Le 5 février 1986, j'ai saisi 800 000 dollars en liquide, 35 kilos de cocaïne et un avion à Ilopango. DEA TG86-0001, Gaetan Gaetan Leonel. Le 24 mars 1986, j'ai écrit un rapport à la DEA sur l'opération Contras, GFTG-86-4003, Frigorificos de Punta Arenas, SA. Appareil enregistré aux USA, numéro N68-435, Cessna 402. Le 17 avril 1986, j'ai écrit un rapport Contras à propos d'Arturo Renick et Johnny Ramirez, Costa Rica. Aéronef TIAQU et BE-60, GFTG-86-99-99, renseignements aériens. Les 25 et 26 avril 1986, rendez-vous au Salvador avec Félix Vargas de la CIA. En avril 1986, le consul général de l'ambassade des États-Unis au Salvador, Robert J. Chavez, m'a prévenu que l'agent de la CIA, George Witters, demandait qu'on accorde un visa US à un trafiquant de drogue du Nicaragua et pilote contra nommé Carlos Alberto Amador, qui apparaît dans 6 dossiers DEA différents. Le 14 mai 1986, j'ai eu avec Jack O'Connor, du quartier général de la DEA, une conversation. Sujet, Mata Ballesteros. Note, Juan Ramon Mata Ballesteros était probablement le plus gros trafiquant de la région. Il opérait depuis le Honduras et possédait plusieurs sociétés soutenues ouvertement et financièrement subventionnées par la CIA. Le 26 mai 1986, Mario Rodolfo Martinez Murga est devenu un informateur DEA officiel, STG-86-0006. Il était auparavant une des sources de Ramiro Guerra et Robert Chavez. Sous Chavez, les renseignements de Murga avaient permis la saisie de plusieurs centaines de kilos de cocaïne, d'Ilopango à la Floride, prouvant qu'il était une source fiable. Le 27 mai 1986, j'ai rencontré au Salvador le lieutenant-colonel Alberto Adame, militaire américain. Il connaissait l'existence de l'opération des Contras à Ilopango. Était au Salvador entre 1984 et 1987. Le 6 juin 1986, j'envoie un rapport Telex DEA au bureau de Washington au sujet des pilotes Contras Carlos Amador et Carlos Armando Llamos, ambassadeurs honoraires du Salvador au Panama. N-308-P. Llamos avait au départ d'Ilopango livré au Panama 4,5 millions de dollars pour les Contras. L'information avait été recueillie par l'informateur Mario Murga. Léon Portilla Tiano, Navajo 31 et YS-265, pilote américain Francisco Vio, Roberto Gutiérrez, N82-161, mexicain, XAB. Le 10 juin 1986, j'ai parlé au Guatemala avec l'agent CIA Manny Brand de Sophie Amori, opérateur cubain des Contras, et du Guatémaltèque Galvis Pena. Le 16 juin 1986, GFTG-86-99-99, renseignement aérien, DEA-6, Salvador. Au début de 1986, j'ai reçu un telex câble de Sandy Gonzalez, l'agent spécial de la DEA Costa Rica, qui me demandait de fouiller les hangars 4 et 5 à Ilopango. La DEA au Costa Rica avait reçu des informations fiables indiquant que les Contras y apportaient de la cocaïne par avion. Les deux hangars appartenaient à la CIA et la NSA, National Security Agency. Les officiers qui s'en occupaient étaient le lieutenant-colonel Oliver North et l'agent Félix Rodriguez, dit Max Gomez, sous contrat avec la CIA. Voir la lettre jointe de Brian Blaney, OIC, en date du 28 mars 1991. Le 18 juin 1986, le pilote contra salvadorien Francisco Chico Girola Beche, DEA NADIS numéro 158-53-34 et 174-44-48, était déjà répertorié en tant que trafiquant de drogue. À cette date, à 7h30 du matin, il quittait Ilo Pango en direction des Bahamas pour y parachuter des devises. Au retour, il ramenait deux passagers, Alejandro Urbizu et Patricia Bernal. En 1988, Urbizu avait été arrêté aux États-Unis dans une affaire de cocaïne. En 1985, Girola avait été arrêté au sud du Texas, dans le comté de Kleberg, en possession de 5,5 millions de dollars en liquide qu'il avait récolté à Los Angeles, en Californie. Le bureau des douanes américaines de Dallas-Fort Worth avait un fichier à son nom. Le 18 juin 1986, DEA 6, à propos renseignements aériens, GFTG 86-99-99, Salvador. 27 et 28 juin 1986. Le lieutenant-colonel Albert Adame rencontre l'ambassadeur américain Edwin Corr pour parler drogue. Dans un rapport au Congrès du 26 juillet 1986, portant sur les allégations de trafic de drogue par les Contras, le département d'État a décrit l'affaire des hommes-grenouilles, The Frogman Case, en ces termes. Cette affaire tient son surnom des nageurs qui apportaient sur la côte à San Francisco de la cocaïne provenant d'un vaisseau colombien. Le rapport se concentrait sur le cas d'un gros trafiquant de cocaïne colombien, Alvaro Carvajal Minota, qui fournissait un grand nombre de trafiquants américains de la côte ouest. Le rapport affirmait aussi que le contra nicaraguayen Horacio Pereira avait été condamné à 12 ans de prison dans des affaires de drogue au Costa Rica. Deux membres de plus de l'organisation étaient identifiés, Carlos Cabezas et Julio Zaval, tous deux du Nicaragua. Ils étaient parmi les trafiquants de la côte ouest mis en prison, accusés d'avoir reçu de la drogue des mains de Carvajal. Bien après avoir été condamnés, ils déclarèrent avoir livré des devises à des groupes de résistants contras au Costa Rica. Le 28 juillet 1986, j'ai rencontré les agents de la CIA Don Richardson et Janice Elmore et le lieutenant-colonel Adame au Salvador. Le 29 juillet 1986, j'ai rencontré Don Richardson et Robert Chavez à l'ambassade des États-Unis au Salvador. Le 3 août 1986, Ramiro Guerra, le lieutenant-colonel et Adame, Dr. Hector Regalado, aussi appelé Dr. Mort, qui prétendait avoir tué l'archevêque Romero, et moi sommes partis en patrouille au Salvador. En août 1986, la commission Kerry demanda à la DEA des informations sur les pilotes Contras. Le département de la justice refusa tout net de communiquer toute information. Le 15 août 1986, j'ai parlé à l'agent de la CIA Jack McCavett, chef de cellule, et à Don Richardson, au Salvador. Sujet, Fernando Canelas Sanes, de Floride. Le 18 août 1986, j'ai reçu des mains du chef de cellule CIA Jack McCavett 45 000 dollars en liquide pour acheter des véhicules pour le groupement antidrogue salvadorien de la DEA. Le 28 août 1986, j'ai eu avec l'ambassadeur américain au Salvador, Edwin Corr, une discussion au sujet de Wally Grasheim, Pete's Place et Carlos Amador. À 15h. Oscar Alvarado Lara, dit El Negro Alvarado, Alvarado le Noir, opérateur CIA et pilote Contra, était mentionné dans trois dossiers DEA. Le 11 juin 1986, Alvarado a illégalement amené 27 Cubains à Ilopango, d'où ils passèrent ensuite illégalement au Guatemala. Le 28 septembre 1987, Alvarado prit comme passager l'officier CIA Randy Capister à Puerto Barrios, au Guatemala, après une opération conjointe de la DEA, la CIA et du G2 de l'armée guatémaltèque. Plusieurs Mexicains et Colombiens furent violés et tués. Ceci est confirmé par le dossier DEA-CIA numéro TG 86-0005.